Lloyd Chomal Kai Maman, pour t'al parler pour vous, parce que vous toi fréquent. Il même dit déclaré, si tel maladie, yo van mouen a marché. Sans seul bagay pour me faire, si l'elle tombe troisième, c'est maître qui sous lit. Laisse à la respecter, la vie n'adorer, la page nous n'a pied. Yo jour, living parade li di, bonjour chérie. Moi même, tellement saisi, m'oblige pas parler. Oh. Après, vite rencontrer, il tombe embrassé, moi fais déclaration. Moi si tellement content, mal tombé non piquant, juste la ruelle piquant. Moi si tellement vexé, moi monté ma tissant, mal et la caille sans son. Tombé fait mauvais sang, tombé craché sang, nous venez convalescent. Que m'a prié, c'est moi qui connais ça m'a passé. Ils ont fibré, mais et puis c'est vrai. Ils comprennent nous voulons pour brésiller. Monsieur Fati que m'a prié, c'est moi qui connais ça m'a passé. Ils ont fibré, mais et puis c'est vrai. Comment nous voulons pour m'essayer. Et puis quand pour tes voisinages, quand mettez la tripotaille, et avec écouter ça mon appétit. Si vous m'aimez ma vie chérie. Et puis quand pour tes voisinages, quand mettez la tripotaille, ça mon appétit. Si vous m'aimez, ma pichée. Gardez qui j'ai, vous faites ma prégoire. Et ma chérie, vous connaissez mes. Tout ça, vous voulez, ma passe telle. Et dis-moi, pour me consoler. Et gardez qui j'ai, vous faites ma prégoire. Ma chérie, vous connaissez bien comme tout ça, vous voulez, ma passe telle. Et dis-moi un petit mot pour me consoler. Et lui, quand on coupe des voisinages, et quand on mette la tripotaille, et avec goûter ça, mon appétit. Si vous me réveillez, ma vie chérie. Écoute tes voisinages, qui capte on a tripotage. Écoute ça mon appétit. Si vous me réveillez ma vie chérie. à la chita ma fleuri, tata ma pe fleuri, non pas besoin parler, jour ménage moi mourir, moi t'es dans l'autre pays, mais ma pe joui, yo téléphone moi, ce jour-là, m'émotionner. Quelle douleur, je dis à trouver mon malheur. Mes amis, quelle douleur, je dis à trouver mon malheur. Fleuri, pendant ma paix fleuri, non pas besoin parler, je ménage moi mourir, pointe dans l'autre pays, mais ma paix joui, yo téléphone moi, ce jour-là, m'émotionne, mes amis, quelle douleur. Je dis à trouver mon malheur. Mes amis, quelle douleur. Je dis à trouver mon malheur. Allez, qu'il est oui, ménage moi mourir. Qui monde m'a joué pour consoler. Consoler, allez qu'il est oui, mais la joie allez. qui monde ma joine pour consoler Allez qu'il est oui, mais la joie mourir, qui monte ma joie pour consoler. Résion, mon copain, résion, résion, mon copain, résion. Et pour courage,